Bonus. Trax. Cinquième monde. Épisode 3. Instabilité gravitationnelle. 13 mois plus tard, la tension entre l'Axe et la population des ruches s'intensifie, car les exactions commises par les forces de l'Axe sont soumises à la censure. Chris, encore endeuillé par la perte de son seul ami, est soldat dans l'armée. Simple caporal, il intervient sur des zones rurales reculées. Considéré sacrifiable par son groupe, perdant peu à peu ses repères idéologiques et marqué dans sa chair par les combats, Chris ne sait pas encore combien il sera passablement marqué par cette expérience. Un jour, lui et son escouade sont chargés de déloger des lucioles qui gardent un haut lieu de leur culte, une montagne censée offrir aux lucioles, les plus en phase avec le dit lieu, une vision potentielle de leur avenir. La traque s'est parfaitement déroulée, mais il est impossible pour les soldats de trouver cet endroit particulier censé avoir été creusé dans la montagne. Chris se retrouve devant ce qu'il semble être une porte en pierre. Il cherche un système de déverrouillage, mais rien ne se produit. Une petite luciole humanoïde volante de 15 cm de haut et brillante comme une bougie verte fluo virevolte autour de la porte. Elle voit Chris qui essaie d'entrer. Elle vole en cercle autour de lui, puis s'approche et cherche à le sentir. Elle fait une moue et s'éloigne du soldat. Il a été conclu que les vertus de ce lieu sont donc tout simplement du ressort de la légende. Après ça, les soldats tombent dans une embuscade. Chris, en cherchant à se protéger d'un tir de roquette, envoie malgré lui une boule d'énergie bleue qui vient contrer le projectile et lui sauver la vie. Il est déboussolé. Ce genre de capacité contre nature n'appartient pourtant qu'aux sales lucioles. Heureusement pour lui, personne n'a été témoin de cet événement étrange et inquiétant. Chris, confronté aux lucioles, découvre leur tactique d'approche et de dissimulation, mais aussi le comportement abject que leur réservent ses collègues. Un soir, dans un village, après une manifestation matée dans le sang, il vacille. Témoin du massacre atroce de civils, sa main tremble sur son fusil d'assaut. Il se retient de tirer sur les soldats de sa compagnie qui posent fièrement avec des cadavres de lucioles. Mais il ne tirera pas et préfère s'éloigner. C'est naturellement qu'il retire ensuite son armure sur un chemin de terre en face d'une immense vallée brûlée et marquée par les combats. Son armure au sol, il remet les lanières de son sac en place, puis entame sa marche, laissant cette vie et cette simple histoire de soldat derrière lui. Une année s'est écoulée. C'est un jour lumineux, bien que le ciel voilé soit finement pluvieux. Dans une rue marchande de la ruche, le sol de la terre est légèrement boueux et glissant. Dans un carrefour piéton agité, des marchands ambulants proposent de l'alimentaire, des composants électroniques ou biomécaniques. Un homme avec un moignon cybernétique à pointe rotative propose ses services en tant qu'informaticien et cordonnier, tandis que deux soldats patrouillent dans la foule. Chris porte toujours son uniforme gris de soldat de l'Axe, mais porte par-dessus un léger manteau de cuir à capuche et trimballe un sac usé. Il vaque, allant d'un groupe de badauds à un autre pour se tenir informé des actualités. Une unité de grande taille, enveloppée dans un long manteau noir à capuche, marche dans le dos des citoyens plantés devant les écrans des actualités de l'Axe. Chris est parmi eux, regardant lui aussi passivement la propagande, mais Ses yeux sont soudainement attirés par cette silhouette noire qui passe devant lui. Sa façon de bouger a quelque chose d'intrigant. Chris décide de se rapprocher pour mieux voir cet individu qui semble avoir senti son regard. À l'embouchure d'une rue et du carrefour, la machinerie de sécurité de l'axe déploie de grandes barrières automatiques, telles des tractopelles dégageant du bétail. Elles compriment les unités et les forcent à se déplacer dans la confusion en ne donnant aucune explication. Chris et l'inconnu se retrouvent bousculés dans la foule au hasard des interactions, mais Chris reste attentif sur l'inconnu qui s'échappe de la mêlée alors que les deux soldats de l'axe progressent vers lui. Les soldats lui somment de s'arrêter. L'étranger emprunte alors une vieille échelle rouillée lui permettant d'atteindre le toit d'un immeuble. Les soldats grimpent à leur tour et s'aperçoivent que le fuyard s'éloigne sur les toits suivants. Trop tard. Il lui tire dessus, tandis qu'il s'agrippe de justesse à la gouttière d'un toit supérieur et qu'il parvient à s'échapper. La luciole court sur le toit en direction du bâtiment qui lui fait face et distingue alors une cour où du linge est étendu. Elle bondit et y atterrit en faisant une roulade pour amortir sa chute. Après s'être assuré que d'autres soldats ne sont pas dans la rue grouillante en dessous, la luciole passe par-dessus la rambarde et atterrit dans une flaque d'huile sur le sol de la rue. Au bout de celle-ci, Chris, essoufflé et courant comme un dératé, rejoint l'inconnu. Les deux unités se regardent hébétées. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu nous as suivis depuis tout à l'heure? Ouais. Akion n'est pas rasé. Il a les joues creuses. Les cheveux bruns mi-longs et une petite tresse tombe sur sa nuque. Il porte une armure noire, avec deux épaulettes de formes différentes. Celle de droite est lisse, légèrement courbée, tandis que la gauche est totalement arrondie. Il porte deux gants noirs, celui de droite est marqué par le symbole du yin et du yang. Akion porte alors sa main sur l'écouteur qu'il porte à l'oreille afin d'améliorer sa connexion défaillante. Je te reçois pas. Où ils sont? Zed, vous m'avez? Akion s'échappe. Chris le suit. Un mobile noir et cabossé arrive en trombe dans la rue et exécute une manœuvre délicate. L'aéroglisseur se penche sur le côté en freinant, puis se stabilise en faisant valdinguer les poubelles au passage. Akion et Chris arrivent à la hauteur du véhicule et sautent à l'intérieur du mobile qui décolle. C'est un modèle standard. L'habitacle est large, mais on y évite à l'étroit. L'odeur de tabac froid a depuis longtemps imprégné le cuir des fauteuils et des tapis poussiéreux. Akion est assis à la place du passager, à côté de Zed qui pilote. Sur la banquette arrière, à côté de Chris, Iris, une jeune fille aux cheveux mi-longs châtain clair avec des reflets blonds. Le visage rond, un petit nez fin, ses avant-bras dissimulent quelques ustensiles de survie et des lames. Morad est un jeune homme de la même taille que Iris. Il a la peau mate plus prononcée que la moyenne. Il porte une armure rafistolée et cabossée, composée en partie de pièces d'une armure de soldat Axe, mais repeinte en bleu outre-mer. Il est armé d'un fusil lourd et son avant-bras incorpore un gantelet comprenant un lance-corde et un lance-roquette à concussion. Mais tu veux te faire tuer, toi, ou quoi? T'as mangé? Non. Iris donne à Chris un morceau de pain avec un bout de viande séchée. Zed est un homme grand, costaud, le crâne rasé très court, clope au bec, le flingue à portée de main. Il pilote le mobile sans faire de commentaires. Tu t'appelles comment? Chris. Je me suis trouvé là par hasard. J'ai été entraîné, je veux pas vous causer de problème. Bon, on peut le déposer où à cette heure, là? Vers à l'Est-Tête, il y a des trains là-bas. Non, attendez. J'ai pas vraiment d'endroit où aller. Laissez-moi rester avec vous. Ouais, c'est ça. Laisse tomber. Je suis très sérieux. Je suis un soldat. J'ai déserté l'armée de l'Axe il y a 2 ans. Je sais me battre. Akion, le dernier rapport d'Angel. Merci. T'es Akion ? En guise de réponse, Akion se retourne et regarde Chris, qui ne distingue pas bien le visage du chef Luciole encapuchonné, à part son regard qui passe à travers le trou de l'appui-tête en cuir du mobile. Tu diras à personne que tu l'as vu ici. Morad, t'aurais pas dû l'appeler par son nom. Barrage sur la D17, la 20 est stable. Morad, file-moi une clope. J'en ai plus. Va te faire foutre. Iris, faudra prévenir Bako que le colis sera sur la plateforme Est. C'est parti. Le soleil se couche sur un ciel mandarine loin du trafic et du vacarme citadin. Les routes aéromagnétiques forment un véritable réseau aérien autour de la jupitérienne tour CPPA-01 qui reflète la lumière agonisante d'un soleil couchant. Le mobile des Lucioles est stationné parmi d'autres sur la fameuse plateforme Est. Morad et Iris en inspectent la carrosserie. Alors là, stop. Je vais pas t'aider sous prétexte que la vie est dure. Tu dois te débrouiller tout seul. Je les connais, les mecs comme toi. Tu peux prendre part au combat si tu veux, mais tout seul. Et dis à personne qu'on s'est vu. À chaque fois que quelqu'un avec qui j'ai bossé parle de moi, il dévoile ma position. Faut arrêter avec ça. Vous pensez encourager le mouvement en colportant certaines infos, mais vous aidez l'Axe à nous retrouver. Bon alors, fais voir ce que tu sais faire. Chris crée alors une petite boule d'énergie. Elle est instable. Elle semble vouloir s'extirper d'elle-même. Akion observe attentivement. La petite sphère bleue s'évanouit. Ouais. Bon, c'est pas mal. Tu devrais souffler et relâcher un peu le rachis dorsal. Recommence. Chris refait une tentative. Un léger mouvement d'air accompagne l'énergie fébrile comme une bulle de savon résistant à une brise légère. Non, tu vois, tu penses trop. Akion, on a des nouvelles. Il y a des rumeurs sur l'ouverture des antennes, et le voleur a été signalé plusieurs fois. Le MPR semble aussi s'organiser. On aura des précisions sur le lieu exact plus tard. Très bien. Dis aux autres qu'on part à la planque. Écoute. On rentre ce soir, puis je t'accompagnerai à Tenacelli. Les autres vont sûrement désapprouver, mais tant pis. Merci. Je te présenterai à un maître, Orion. Et puis ensuite, tu réfléchiras à ce que tu feras. En tout cas, j'espère que t'es prêt. Personne n'aura à choisir entre toi et survivre. Ils se dirigent ensuite vers le mobile qui décolle. Ils voyagent de nuit dans un trafic aérien somme toute très calme. Le nuage de pollution partiellement grumeleux donne l'occasion de distinguer les étoiles et leurs systèmes de planètes les plus proches. Le mobile se pose sur un vaste parking public. Le petit groupe se dirige ensuite à pied vers une très grande étendue d'habitations, s'étendant sur des centaines de kilomètres à perte de vue. Il passe par un petit tunnel de béton qui aboutit sur une épaisse porte blindée en métal. En entrant dans cette planque, au plafond très bas, Chris remarque les hologrammes animés fluorescents et éparpillés partout. Sont également visibles les schémas de différents bâtiments, des itinéraires, des plans partiels ou complets de la ruche et des caricatures d'Albacane. La pièce est exiguë, mais suffisamment bien éclairée par des lampes disposées de manière éparse. Le poste de communication est un amas de matériel électronique en tout genre, sur lequel traînent des notes, des photos, des dossiers et un sandwich entamé par Z. La téléphonie mobile, totalement surveillée et contrôlée par l'Axe, a été abandonnée par les Lucioles au profit de postes de communication dont les fréquences doivent être piratées. Chris continue alors, peu à peu, à prendre conscience de la précarité et du stress permanent infligé aux Lucioles. Z part direct vers le frigo avec Akion. Il l'ouvre et serve les barquettes de repas qui s'y trouvaient. Chris en profite pour détailler Z qui enlève sa lourde armure noire luisante comportant un large protège-cou et d'imposantes épaulettes. Ah, mais saloperie d'armure de merde! Il a un visage marqué, un ptosis, à l'œil gauche. Le geste brusque mais maîtrisé, son charisme intimidant est imparable. Zed, j'ai un message pour toi. Je suis ravi. Au fait, Chris, je me suis pas présenté. Je suis Morad. Moi aussi, j'ai déserté l'Axe. J'étais dans la 5B. Et toi ? La 3A. Ouais, je connais un gars là-bas. Je travaillais dans l'administration. J'ai vu comment l'Axe fait son maximum pour assécher la ruche. C'est pas tolérable. Moi, c'est Iris. Je suis une luciole. J'ai un petit potentiel, voilà. Je cherche pas vraiment à être la guerrière ultime, mais je lâche pas. Alors ? Akion t'a dit où il t'emmenait ? Athénacelli. D'ailleurs, faudra pas 10 ans pour l'emmener là-bas, lui. Hein. Attends, l'urgent était de faire partir le paquet. On a bien un ou deux jours avant de repartir. Peut-être. Mais à cause des arcanes de la zone 18, on n'a plus aucun poste de communication piraté. Du coup, on peut pas envoyer l'argent à la compagnie F demain. Pardon, mais le petit mec, là, faut pas trop que ça traîne. Excuse-moi. Oui, je... Et s'il y a le voleur, on fait quoi ? Il a été signalé il y a un peu moins d'une semaine. Et c'est qui, le voleur ? Ah, bravo ! Il connaît pas le voleur. Oh, la bonne idée d'emmener le gamin. Le voleur est un tueur de lucioles. Personne connaît son nom. C'est un super arcane, mais il a pas l'air d'obéir aux ordres. Peut-être qu'il est envoyé par Albacan, mais certains affirment l'avoir vu tuer des soldats Axe. Il est très, très puissant. À chaque fois, il utilise une technique de combat différente. Une technique de combat ? Mais je croyais que les arcanes ne tiraient qu'au fusil. Pas lui. Lui, il est programmé pour le combat aux armes. Et il est rudement fort. Il te regarde une seconde et il enregistre ton code combat. Et comme il les a tous en mémoire, il emploie la technique que t'es en train d'utiliser. Je l'ai vu faire. C'est impressionnant. C'est peut-être un chasseur de primes ? Tu parles. C'est un concept trop humain, ça, la chasse aux primes. Bon, allez vérifier vos identités virtuelles et piratez-les pour demain matin. Et on fait quoi pour le petit lapinou ? Je vais l'emmener voir Orion. Ah, carrément. Le convoi peut pas attendre, je regrette. On ira à Tenacili après. Là, on n'a pas le temps de s'occuper des petites affaires privées. Attends, Zed, si c'est pour moi que tu dis ça, alors écoute. Et oh, les gars, il n'y a plus grand-chose à bouffer ici. Hein. Je propose d'aller au camp Delta demain faire le plein pour rejoindre le MPR à Carfax. Le MPR, c'est toujours d'actualité. Le MPR ? Le Mouvement pour la Résistance. Oui, moi aussi je trouve ce nom un peu à chier. On les rejoint pour définir la prochaine action des Lucioles. D'accord. Akion, je sais ce que tu penses. Mais y aller, voir et discuter avec les chefs des Lucioles ne va pas déclencher une guerre demain. Il sera toujours temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. D'accord.